Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des Saguenayens de Chicoutimi. Après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Sim, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler de hockey. Évidemment, le camp d'entraînement des recrues va commencer en fin de semaine. Hier, j'ai posé une question sur les médias sociaux, puis je voulais savoir, en savoir davantage avec le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa à la radio en francophone, Nicolas Saint-Pierre. Je voulais savoir quelle équipe va avoir le plus de points à la fin de la saison. Est-ce que le Canadien ou les Sénateurs? On sait que les deux équipes se ressemblent beaucoup. On prévoit des années très difficiles dans les deux cas. On en parle avec le descripteur Nicolas Saint-Pierre. Salut Nicolas! Salut Denis! Nicolas, passez un bel été! Très bel été, on s'est reposé, on est regardé et on a hâte de commencer une nouvelle saison. Et ça commence très très bientôt en fin de semaine avec le tournoi des recrues. Dis-moi, je vais te poser la question que j'ai posée hier. Qui va avoir le plus de points à la fin de la saison, Canadien ou Sénateur? C'est drôle parce que j'ai pris une gageure avec des chums avec ça. De la même façon, mais écoute, de faire mon fan puis de faire mon hometown boy, là, j'ai pas le choix de dire les Sénateurs, mais je sais aussi pourquoi, par exemple. Okay. Si tu regardes, puis je vais me concentrer sur le top 6 pour la production offensive. Mm. Ben, dans les deux cas, on s'entend que oui, tu as des situations similaires, c'est-à-dire il y a peut-être un manque de profondeur, mais il y a certainement une plus grande profondeur du côté des Sénateurs. Un, tu as un véritable centre numéro un en mode du chêne pour les Sénateurs, comparativement à Drouin, je l'aime bien, là, mais c'est un ailier, c'est pas un centre. Ouais. On essaie de faire un centre numéro un de ce gars-là. Puis, tant qu'à moi, il perd de la production offensive du fait que ce gars-là n'est pas dans son élément naturel. Mm. De devoir se concentrer sur l'aspect centre, en sorte qu'on enlève les facultés à ce bonhomme-là, tu pourrais en profiter pas mal plus à l'aile. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ben, j'ai Mark Stone. Vous avez également là, des... OK, je vais me concentrer sur le centre tout d'abord. Matt Duchesne, ça joue en ce moment, Logan Brown, Tom Pyatt peut-être, Zach Smith, mais la profondeur au centre pour les Sénateurs est beaucoup mieux. Vous avez un Tapic dans les nouveaux qui pourrait arriver là. Vous avez Brown qui pourrait prendre sa place également. Colin White. Finalement, ce ne serait pas trop de chaud. Colin White également, il ne faut pas l'oublier. N'empêche, l'an dernier, à la fin de la saison, on l'a essayé. Puis, c'était pas nécessairement très continuant. Puis encore, je comprends, il y a la progression, puis encore beaucoup d'espace pour amélioration. Mais je pense qu'on le voit plus comme un joueur, un ailier, qu'un joueur de centre. Okay. C'est pour une chose. Donc, la notion de profondeur au centre est déjà mieux chez les Sénateurs. Par de ça, dans le top 6, ben, on devrait retrouver les habituels, on va le dire comme ça, avec Stone, Tajo, Duchesne, Bezingo, Chuck, à qui on va donner toute la marge de manœuvre pour se faire avoir là-dessus. Bobby Ryan, je le mets là-dedans, mais j'aimerais ça peut-être qu'on essaie de pas gérer la paye, mais plutôt gérer le bonhomme. Peut-être ouais. Descendre dans le quatrième trio, il joue comme un gars de quatrième, de toute façon, laisser la place pour un jeune. Mm. Canadien maintenant. Ben, écoutez, on ne va pas le faire. On est avec Pacioretty. Je ne sais même pas si on va dire au début de la saison. Drouin n'est pas un joueur de centre numéro un, n'est pas un joueur de centre point. Dano, je m'excuse, là, j'aime bien le bonhomme, là, puis je suis sûr que c'est un élément important pour vous autres, là, pour eux autres à Montréal. Là. Mais Dano, demandez à n'importe quel directeur général. C'est un troisième centre. Je pense que c'est pas un centre numéro deux. Non, non, c'est un troisième centre. Plecanette, écoutez, Plecanette, c'est correct, là, un bon retour, mais c'est le bon vieux Plecanette. Puis probablement, encore une fois, il va jouer un petit peu plus qu'à la mesure qu'il est capable d'en donner. Je pense plus que c'est un centre numéro 3, plus un centre numéro 4. Mais c'est correct comme ça. Après ça, ben, Domi, oui, potentiel, joueur d'énergie, mais sa production offensive, là, en plus, je pense que c'est 9 buts, dont 3 ou 4, on a eu quelques petits gardiens dans un filet désert. Alors, on peut en douter. Ouais. Mais on peut quand même reconnaître que c'est un joueur d'énergie. À part de ça, ben Gallagher, oui, un autre joueur d'énergie qui a dans l'année, mais sa baisse de régime dans l'année nous a montré que c'est peut-être une tendance qui pourrait se maintenir. Les connaît à part de ça. J'adore Paul Byron. Je pense que ce gars-là a donné ce qu'il pouvait donner, puis est capable d'en donner encore plus si on peut donner du temps de qualité sur le top 6. Mais comme je viens de te le dire, là, je pense que la notion de profondeur est beaucoup plus présente chez les Sénateurs que chez les Canadiens en ce moment. Ah, effectivement. Puis là, écoute, puis il y a des joueurs qui vont éclore. Il y a des impondérables, par exemple. Ça, on va en parler tout à l'heure, des impondérables. Défensivement, écoute, là, t'as chez Weber qui ne sera pas là en début d'année. Puis là, si la situation, c'est Jeff Petrie. On cherchait toujours un défenseur à gauche pour jouer avec. Oui. Oui. Effectivement. Fait que. Et on voit ça. Ouais. Vous avez Shenko Petrie qui devrait être votre première pairing. À moins que mettez encore Monk qui n'a pas resté. Dans le top 6, Shenko Petrie, Hausner, Gosson, Mété, Ben, c'est tout ça? Ouais. Peux-tu dire ça? Ouais. Donc. C'est pas un gros char, là. Non. Moi, puis là, on se parle. Puis là, qu'on explique aux gens, là, que c'est, on se parle, au moment où on se parle, là, comme tu dis, il peut y avoir plein d'impondérables, des blessures, des gars qui se transigent. Mais là, si tu vas vous présenter le top 6, ben, le top 4 des Sénateurs avec Carlson et Chabot. Ouais. Pour Lannan, l'année passée, à son arrivée, il m'a montré qu'il serait le top 6. J'adore Borjewski, Wyman qui va arriver avec City. Tu as tes trois défenseurs droitiers. Puis, sans aller trop loin, on pourrait peut-être revoir la formule qui a fait les succès il y a 2 ans avec les Sénateurs, c'est-à-dire à la Ligue 2. On embouteillait tout le monde pour les envoyer dans le couloir gauche, c'était plus physique. Les gars se faisaient ramasser, ils pensaient à 2 fois, puis à la droite, ça avait plus les défenseurs de talent. Fait que je pense que ça se passe de présentation, mais encore, faut-il rappeler que Carlson pouvait quitter bien avant les premiers coups de patin de la saison régulière. Et Carlson, qui est une belle valeur de marchande actuellement, quand même. C'est sûr que les Sénateurs sont prêts à l'échanger également. C'est un peu le même dossier que Batshuayi à Montréal. Tu sais, quand les directeurs généraux arrivent, on regarde du côté de. Ils nous voient aller. En ce moment, Denis, là, c'est que le problème, autant pour le Canadien que pour les Sénateurs, je pense qu'on a attendu trop longtemps. Ouais. Là, avec l'histoire de Pacioretty, par exemple, l'histoire de Martin Leclerc la semaine dernière nous en donne un petit peu plus, puis on peut peut-être avoir plus d'explications sur ce qui s'est passé. Alors, on peut pas jeter tout le blanc sur Marc Bergevin, mais je pense que pour les Sénateurs avec Carlson, on a raté le bateau. On aurait eu, tant qu'à moi, le maximum pour Carlson dans une transaction à la dernière date limite des transactions, parce qu'à ce moment-là, tu donnais pas une, mais 2 chances à l'équipe qui va l'acquérir, d'aller très loin en série. Alors là, maintenant, plus t'attends, plus je pense qu'on vient de perdre la valeur. Puis malheureusement, alors qu'on sait toutes les circonstances de cette transaction éventuelle-là, je pense qu'on a perdu encore une fois des arguments. Alors, je pense pas que les Sénateurs peuvent sortir gagnants d'une transaction comme ça, mais ça pourrait nous permettre, comme tu l'entends, là, un retour parmi les équipes de tête rapidement, parce que les joueurs acquis pourraient nous aider, là. Si, encore une fois, on ne se trompe pas, puis c'est malheureusement une belle patate chaude, un beau problème pour... C'est pas compliqué, ça ressemble beaucoup au dossier Patrick Roy et Rick Carlson. Pour les Sénateurs. Oui, d'une certaine façon, oui. Oui. On peut faire quelques parallèles, mais... Tu sais, Patrick Roy, c'était le meilleur défenseur. Patrick Roy. C'était le meilleur gardien depuis longtemps. Patrick Roy qui a demandé de partir. Ouais. Il faut oublier une chose, c'est Patrick Roy qui a demandé de partir alors que Carlson voudrait rester, mais à sa juste valeur. Alors, ouais. Pas qu'il veut partir nécessairement, mais c'est qu'à un moment donné, il l'a bien dit l'année passée, il veut se faire payer à sa juste valeur. Puis, il y a encore le dossier du propriétaire. De plus en plus, on sent qu'il y a un mécontentement. On voit qu'il y a un mécontentement. Puis, c'est à savoir si les joueurs veulent jouer pour le propriétaire actuel. C'est une autre donne qu'on doit ajouter là, où, aux décisions qui vont être prises parmi les joueurs, les agents libres, surtout Carlson, Stone et Duchesne, qui, même hier, disaient « Ben beau, j'aime bien la place, oui, je veux rester ici, tout ça. Mais lui, il m'a dit une chose, par exemple, d'aller passer à main reprise. Moi, je veux gagner maintenant, c'est plus une question d'argent. Ouais. Alors, si je vois dans une équipe en reconstruction où il risque encore une fois d'avoir quelques années de bâche-maigre, je pense pas qu'il y a du chêne pour demeurer avec la formation. Donc, un autre joueur qui pourrait être transigé. OK, OK. Devant le filet, ben, c'est... Par contre, là, c'est encore difficile. Puis, Carey Price, ça dépend toujours du Carey Price qui revient. C'est Carey Price l'année passée, on oublie ça, là. Je pense qu'il va être meilleur que cette année, par contre, là. Mais tout dépendant, hein, on pourrait mettre... Ça s'équivaudrait, hein, pour le moment, il faut quasiment mettre Price, mais c'est tout dépendant du Price qui va arriver. Oh oui, regarde, je m'assurerais même pas là-dessus. Price, sur papier, est meilleur, mais Price va peut-être commencer à semer de doutes, à savoir s'il va être capable de performer à sa hauteur. Pression additionnelle avec le nouveau contrat qui rentre. Autant pour lui que pour l'organisation, on va dire ça comme ça. Mais sur papier, Price est de beaucoup supérieur. Mais Craig Anderson, cependant, nous a démontré au cours des années qu'il a eu des hauts et des bas. Et après une année de bâche-maigre, il a toujours su rebondir. 37 ans, c'est un des gardiens les plus âgés de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il est capable de répéter l'exploit? On doit espérer que oui. Mike Condon aussi est dû pour connaître un rebond. Mais cependant, même si ces deux-là doivent être les deux gardiens d'office pour le début de la saison, il ne faut pas oublier une chose. Vous avez un Hochberg qui n'a pas été capable de s'établir en Ligue américaine, mais on reconnaît que Hochberg, pour les Sénateurs, fait partie de l'avenir. Puis, l'an dernier, on est allé chercher un Philippe Gustafsson dans la relation d'Éric Brassard avec Pittsburgh. Gustafsson, lui aussi, montre de très beaux signes. Gardien du dernier tournoi mondial junior, faut pas l'oublier. Alors, Gustafsson, lui aussi, peut brouiller les cartes là, rapidement. Alors, il y a une certaine profondeur qu'on doit reconnaître là, pour devant les filets. OK. Du côté des impondérables, les entraîneurs, moi, de la manière que tout le monde sait que Pierre Boucher, pas Pierre Boucher, mais Guy Boucher est là parce qu'il a un contrat à respecter. Puis, écoute, la manière que Pierre Dorion l'a parlé, c'était. Il est là, mais c'est parce qu'il y a un contrat. Sinon, il ne serait plus là. On s'entend-tu pour dire ça? Est-ce que Claude Julien, du côté du Canadien, Claude Julien, jusqu'à maintenant, était bien en selle? Et ça peut jouer aussi là, dans ce qu'on appelle le message. Là. Un entraîneur qui... Sans aucun doute. Ouais. Ajoute Dominique Ducharme aussi. J'en parlais avec Renaud Lavoie hier. C'est que Dominique Ducharme va emmener du sang là. Une nouvelle façon de faire, j'imagine. Claude Julien va certainement pouvoir aller chercher quelques renseignements puis quelques façons de faire. Nouvelle. On sort un peu en think out of the box, comme on dit. Alors, un nouveau dynamisme, puis j'ai hâte de voir ça. J'aime le banc du Canadien autant. Tu sais, je veux dire, je peux pas comprendre pourquoi on a tant critiqué Claude Julien. Quand on l'a amené ici, ben, on l'a amené à Montréal, tout le monde pensait que c'était le Messie, puis il n'est pas devenu méchant à entendre le dire. Là. Le bonhomme fait partie encore une fois de l'élite des entraîneurs. Je pense que vous pouvez, les partisans du Canadien, là, au moins dire ça, c'est que vous avez quand même un bonhomme qui est en selle, puis qui a le contrôle, qui devrait avoir le contrôle, puis c'est vraiment un des meilleurs. Ça, je l'adore. Guy Boucher, comme tu l'as dit, ben écoute, lui a à se refaire, puis je pense que maintenant, ce qu'il va faire avec les jeunes, puis cette équipe en reconstruction, pourrait peut-être signifier si oui ou non il a un avenir en Ligue nationale de hockey, parce que d'autres équipes qui vont voir ce qu'il est capable de faire. Parce que là, Guy Boucher, qui était reconnu comme un entraîneur qui aimait travailler avec des vétérans, ben là, doit maintenant, il a dû convaincre la direction qu'il était capable de gérer une bande de jeunes loups. Il y a des points saisis, des barres saisies qui ont été mises, puis là, maintenant, ça sera un Guy Boucher réinventé. 2.0. Alors, une nouvelle dynamique également. Moins 2.0. OK, effectivement. Le propriétaire, Eugene Melnyk, on sait ce qui. C'est pour ça que j'ai mis Canadien en avant des Sénateurs. C'est tout croche. En tout cas, de ce qu'on voit du lac Saint-Jean, là, ça semble tout croche. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact aussi sur le rendement? C'est sûr. Je ne connais pas la situation du vestiaire du Canadien, mais je connais celle. Les Sénateurs, il y a eu des changements qui ont été effectués. Est-ce que ces changements-là ont été assez pour rendre l'atmosphère plus respirable chez les Sénateurs? Encore une fois, Duchesne a dit que c'est une nouvelle culture qui s'installe dans le vestiaire des Sénateurs. On m'a dit, un autre joueur off the record qu'il devait avoir des choses qui devaient être adressées si jamais Eric Carlson revenait. Parce que je pense que même si on a tout jeté le blâme à Hoffman et sa compagne, je pense que Eric Carlson et sa compagne ont aussi une part du blâme dans tout ça. Puis écoute, je fais pas le détective, puis j'accuse personne. Mais dans l'optique où tu te dis le leader d'une formation, il y a certaines façons de faire, puis l'histoire n'aurait pas dû peut-être sortir dans le contexte qu'on connaît pour les sénateurs. Ça vous en dit peut-être un peu sur quel genre de leader est Eric Carlson. Ça demeure un joueur exceptionnel. Mais est-ce que c'est un capitaine qui fait l'unanimité? Vous pouvez certainement vous poser la question. Ouais. Mais je pense qu'il y aura effectivement une nouvelle dynamique et une atmosphère plus positive pour permettre aux jeunes qui vont se préparer à la formation d'évoluer dans un environnement sain. Et c'est ce qui est à souhaiter. Parce que s'il y a de la bisbille rapidement dans le dossier des sénateurs, on pourrait se retrouver avec des jeunes qui en ont plein les bras puis ne peuvent pas évoluer dans le contexte actuel. Alors, on se croise les doigts. J'espère que les bouts sont épais, sont assez. Mais c'est effectivement une donne qui pourrait changer là, bien des choses pour les sénateurs. Effectivement. Nicolas Saint-Pierre, un gros merci. Bonne année, évidemment, ça commence en fin de semaine et on va se reparler au courant de la saison une couple de fois. Certainement, c'est un énorme plaisir. Une bonne saison à tous et à toutes. Il faut être excité parce qu'avec du hockey, la vie est toujours plus belle. Bien, nous autres, vous autres à Gatineau. Hey, en passant, on va se faire juste à Gatineau. Nous autres, on a les Saguenayens ça va être très plaisant. Hier, Nicolas, tu sais que tu as une émission de sport. J'ai lu, je ne sais pas si tu es au courant, j'ai lu quelque part que les champions d'Ottawa ne reviendraient pas. Est-ce que c'est vrai? Bon, ouais, bien, effectivement. Là, écoute, on en a parlé hier avec Sébastien Boucher d'ailleurs. C'est Miles Wolf qui est le commissaire de la Paname, mais également le propriétaire des champions, qui en ce moment a dit que ce fut une année difficile au guichet. Ça fait quoi, 5 ans maintenant que le programme est ici, puis on cherche toujours des intérêts locaux, des propriétaires locaux. C'est peut-être là un signe de découragement de Miles Wolf, mais connaissant le monsieur, on connaît l'histoire des capitales puis de la belle Ligue Canam. Ouais. Je pense qu'avant de baisser les bras, il va ouvrir toutes les portes et avoir étudié les avenues, mais effectivement, là, l'avenir serait menacé des champions, puis on suit le dossier très traité ici. OK. Ben merci beaucoup, on s'en parle bientôt. Ça fait plaisir. Le descripteur radiophonique des sénateurs d'Ottawa, Nicolas